le prix d'un lingot. Ça cherche de l'or à du rap. Y'a plus rien de bon, rien de sincère. Dans le regard, on fait pas affaire. Finir pépère, il balayard. J'finis mon verre, ce monde me rend fou. Yeah, yeah. Téléphone, elle est folle, elle est pimpée.